Le président de l'Union générale de sport de Syrie, Muapak Taupik Juma, qui avait visité la Corée à la tête de sa délégation, a dit qu'il a vu les Coréens œuvrer vigoureusement pour l'édification d'une puissance socialiste sous la direction clairvoyante du dirigeant suprême Kim Jong-un. Il a ajouté également qu'il a été surpris par de grands succès coréens remportés dans le domaine des sports. Il a souligné, pour finir, que la Corée deviendra dans un bref délai une puissance sportive grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un qui accorde toujours une grande attention au développement des sports du pays.